au bon moment. Au bon moment. Il s'agit pas de se faire marcher dessus. Là, c'est de ça que ça retombe, parce que je veux donner les deux points de vue. Faut que les gens en pensent que je parle d'un... Il y a un point de vue, le point de vue choc. Il y a un point de vue choc. Que même si t'es petit, quand ça passe vibration-là, tu peux en déplacer des... Tu peux en déplacer des murs. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la vibration. Peux-tu l'expliquer mieux, ça, cet état de choc-là? Pour vous l'expliquer, il faut là que je la manifeste. Je peux pas manifester. C'est vibratoire. Rien qu'un mot, des fois, peux-tu te faire le choc? Tout le choc. C'est une vibration qui passe dans tes corps, ça passe dans le mental, ça descend dans l'émotionnel, ça descend jusqu'au plan physique. C'est une vibration. Ça charrie ton ego. Puis quand elle passe cette vibration-là, tu peux pas avoir peur. Fait que qu'est-ce qui arrive à un être humain quand il a pas peur? Il peut détruire n'importe quoi. Puis si le gars soit gros, même, y a rien, y a plus peur. Ce qu'il y a de pire, c'est que tous les autres le sentent, ça. Ça se sent. Là, il recule vite. C'est ça. C'est vibratoire. Les gens font l'expérience dans la vie, là, Involontairement. La seule différence, c'est que ça, cette vibration-là, quand ça passe, c'est eux autres qui t'en font passer pour créer un choc, pour neutraliser une situation. Mais tu peux pas vivre dans cette énergie-là tout le temps. Il y a des moments dans la vie où elle passe. Mais c'est pas toi qui le contrôle. Non, c'est pas toi. Puis des fois, ils vont t'en faire arrêter à la croix. T'as une croix ici, là. J'appelle ça la croix, là. Juste en haut du coccyx, là. Ici, là. Il y a une croix. Alors, eux autres, ils contrôlent cette énergie-là, puis s'ils l'arrêtent à la croix, puis rendu à ce point-là, t'es assez sensible. Fait que quand ils l'arrêtent à la croix, elle descend pas en bas, là, ça te fait bien, bien mal. C'est comme si quelqu'un te rentrait un couteau ici, là. Là, ça veut dire, là, ils te barrent. C'est comme ça qu'ils te barrent. Parce que tu deviens tellement mauvais, parce que t'as pas peur, que là, s'ils veulent pas que tu crées un choc, là, ils vont te couper la vibration, là, puis là, tu souffles. T'assouffles la vibration. Puis ça fait mal comme si tu rentrais un couteau ici, dans la croix. Vous allez le savoir, ça, parce que c'est des principes universels. Ça. Un jour, vous allez l'avoir, cette vibration-là. Mais quand ils font passer la vibration, quand elle descend jusqu'en bas, à ce moment-là, il n'y a plus rien d'arrêter. C'est là que tu crées des chocs. Mais c'est pas toi qui crée le choc. T'es simplement le canal pour le choc. Fait que ça, c'est des situations pour changer la vibration d'une situation, arrêter une situation, ou transformer une situation de A à Z. Puis c'est eux autres qui... Ça, disons, on le vit souvent. Pardon? Je le vis souvent. Vous comprenez, ça, ce que je veux dire? Je vis ça, moi, souvent. Bon, c'est ça. Parce que dans des situations que... Dans le cas où... Quand j'ai eu une réunion, mon vieux du conseil, et puis c'est arrivé tête, avec un gars de l'Union. L'occasion était trop belle. Ça s'est passé tout de suite, le gars fait culier. Ah, ça passe, l'énergie, paf, puis tu peux rien, puis c'est pas toi qui a fait passer, elle passe. Toi, t'as canalisé. Même, tu comment je pourrais dire, quand ça arrive, tu le sens même pas que ça arrive. Ouais, tu le sais pas. Mais ça arrive assez vite. Que tu le réalises seulement qu'après que c'est... C'est ça. C'est un instantané. Comment, ce qui est manière, tu sais? Oui. Tu comprends, tu dois comprendre. Tu sais, dans la police, toi, Oui, j'ai justement les appelés, là. C'est ça qui mérite. Mais tu comprends ça, Richard, ce que je veux dire, toi? Puisque t'es dans un milieu de violence. Oui, ce que je comprends pas, c'est que tout à l'heure, tu disais que ceux qui prennent le plaisir à voir les autres en colère, ou les faire mettre en colère, c'est des sadiques. Non. Mais toi, par exemple, toi, tu ris. Oui. Tu désarmes, ton rire désarme. Si tu rencontrais un gars violent dans ton métier, tu pourrais être désarmé par ton rire. C'est ça que je veux dire. Oui. Bon, OK. Ça, c'est au niveau de ton rire. Ça fait partie de ton tempérament. Il y a un autre niveau où tu pourras pas le désarmer, le gars, avec ton rire. Là, tu feras l'opposé. Tu l'insulteras. Tu m'as dit, ton rire, c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux arriver avec un bandit sur la rue. Il y en a des gars qui sont tough. Tu vas rire, puis ils prendront pas le rire. Comment tu veux dire? Bon. Là, à ce moment-là, t'es obligé d'aller au mental, puis t'as servi de ton mental pour changer sa vibration. Là, tu peux changer sa vibration. Ça, c'est le cas que j'expliquais tout à l'heure. Il y a l'autre cas où, quand l'énergie passe, comme toi, si t'es attaqué par un bandit, là, pis si t'es sensible à la vibration en descendrait, là, pis tu peux pas avoir peur en ce temps-là. Il y a pas de considération psychologique pour ton être. Si t'as pas la peur au moment, tu peux avoir des changements de tes vibrations qui vont faire que les nuits précédentes, tu n'auras pas le même sommeil. Au moment, tu l'as. Ils peuvent te préparer. Ils peuvent te préparer. Mais dans le moment, du danger, là, ça passe. Mais il dit que c'est plus difficile à réaliser dans un cas comme le tien, comme dans un cas comme le mien, parce que moi, j'étais un petit homme.

Parce que ça, c'est ça la prochaine étape. Tant que vous êtes sur le plan, tant que vous pouvez vous servir de votre mental, puis penser, je t'aime. Autrement dit, faire un acte de spiritualité. Ça, faire un acte de spiritualité, ça marche. Mais quand t'es fusionné avec eux autres, tu peux plus faire d'acte de spiritualité. Ah ben ouais, tu n'as plus besoin non plus. Parce que tu n'as plus besoin. Fait qu'à ce moment-là, tu travailles avec l'énergie. Ouais, mais en réalité, ce qui monte, là, dans nous autres, là, c'est des énergies diluées qu'on rappellerait. Ce qui monte dans vous autres? Ouais. C'est un genre d'émotion qui monte. Alors, c'est ni plus ni moins de l'énergie, mais... C'est pas ça. Ça monte, ça descend pas. Tu vois, les vibrations qui parlent, supramentales, ils descendent. Ouais. Mais moi, ce que je sens quand ça fait ça, ça monte, c'est rendu ici, là. Faut que je dise de la merde, ben non, faut que je transforme mes pensées. Ouais, c'est ça? Ouais, mais ce qui arrive, c'est que tu travailles... C'est un genre de petit chat. Ouais, mais tu travailles toujours avec ton énergie. Ce qui arrive, c'est que eux autres... T'es toujours dans un état d'énergie. Comme là, t'es dans un état d'énergie. Cet état d'énergie-là, elle peut être activée par eux autres. Que tu parles de supramental. Ouais. Parce que quand on parle de monter puis de descendre, là, on tombe dans une sorte de dualité pour exprimer ce qui se passe. Mais ça marche pas de même. L'énergie, ton énergie est toujours sujette à être manipulée électriquement ou chimiquement par eux autres. Parce qu'ils font partie de toi. Fait qu'à ce moment-là, cette énergie-là, ben, elle se situe pour toi dans ton mental. Ou elle se situe dans ton corps émotionnel. Autrement dit, c'est là qu'elle vibre le plus. C'est ça qui est le problème. Quand tu cherches à monter. Ouais. Tandis que quand tu m'envoies une vibration, elle pénètre. Elle se situe. C'est ça. Et ensuite, elle active. Si le gars affecte mon émotion, elle va partir de là, puis elle va monter. Si elle affecte plus bas, elle va partir plus bas, elle va monter. C'est ça. Moi, j'en ai qu'à contrôler, puis après... C'est à toi à contrôler, à mentaliser l'énergie, autrement dit, c'est émotif, puis là... Mais quand le monde demain, c'est maudit que des coyaux au cerveau, ça. Ben, on n'a jamais eu. Mais j'ai peut-être sauvé des classes ailleurs. C'est ça, ben non, c'est pas aussi ça, de se fermer les pauvres, les affaires comme ça, là. Non, mais c'est parce qu'il expliquait le mécanisme de ça, que c'est qui se passe. Ah, c'est vrai. Ce qui se passe, c'est que ça, l'énergie monte au mental, quand tu fais ça. Parce que, regarde, moi, je suis fusionné, fait que je peux pas agir comme je veux, OK? Là, je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de fermer mon poing. Là, je suis capable. Il se ferme tout seul. Là, il se roule. Mais, vous autres, vous le réalisez pas. Fait que vous autres, vous pensez que ça marche même, ça marche de même. Mais si vous étiez plus tourné à eux autres, vous verriez que c'est eux autres qui ferment votre poing. C'est toujours eux autres. On réalise pas jusqu'à quel point ils sont en nous autres. Parce qu'on a un libre arbitre. On a comme un screen qui fait que on ferme notre poing comme on veut. Mais comme on le ferme vite, on pense que c'est nous autres qui le ferme vite. Mais eux autres sont capables de te couper, de le fermer ton poing. À ce moment-là, plus t'es sous la vibration, mais plus l'énergie est forte. Ça fait par exemple comme on... Hey, ça, faut plus que je fasse ça, puis bingo, on le fait, puis on le réalise après, mais ouais, non. Ouais, quand vous dites, je vous assure, quand vous dites, faut plus que je fasse ça, je vous assure, vous allez le faire. Quand vous dites, je vais plus faire ça, là, vous allez le faire encore. C'est quand vous pourrez plus dire ça, je ferai plus ça, que vous ne ferez plus. Checkez bien ça, cette affaire-là. J'arrête de faire des promesses, moi. La preuve, c'est que les gens vont dire quelque chose, puis vont dire knock on wood. Ouais. T'sais? Touche au bois. C'est des superstitions, ça, mais qui s'expliquent. Mais si c'est eux autres qui le conduisent complètement, moi, ça expliquerait les déséquilibres que les gens peuvent avoir. Souvent, dans une bagarre, moi, j'ai remarqué, en tout cas, les gars, j'ai de la pile de saillants, c'était mes meilleurs chums. C'est vrai qu'il y a bien du monde. J'ai vu des bonhommes se battre avec d'autres, puis c'est parce qu'ils aimaient, c'est parce qu'il n'y avait pas de façon de s'exprimer. Des fois, dans des quartiers défavorisés, tu sais, justement, à cause de ça, ils se battent parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de s'exprimer. Tu vas pouvoir retrouver ça fréquemment. Puis ça, qu'en réalité, c'est pas eux autres qui sont déséquilibrés ou c'est les gens à qui l'énergie base qui sont déséquilibrés. L'énergie, c'est une substance universelle. Moi, je suis obligé de vous parler quand je vous parle, je suis obligé de vous parler, de vous dire eux autres. Parce que je suis obligé de vous faire reconnaître qu'il y a une intelligence objective à l'homme. Qu'il y a une intelligence qui travaille avec l'homme. Mais eux autres se servent de l'énergie, de la substance, d'une substance universelle qui est une énergie universelle pour travailler avec nous autres. Puis quand cette énergie-là passe dans nos corps n'étant pas ajustés, nos corps souffrent de cette énergie-là. Les gens qui sont débalancés, c'est ça.